CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Come on. Cette semaine, au Mathieu Plancho. Télévision, rappeur minoritaire et le loup de Wall Street en projet pour la télé. Comme intégration publicitaire, je propose le rappeur minoritaire présenté par Subway et le loup de Walmart. Dans le segment Geek Scénic, se charger son téléphone avec le son de sa voix pourrait bientôt être possible. Est-ce que ça va détecter mon sarcasme, hein? Oui, tu vas charger ta batterie, je suis sûr que t'es tellement capable. Et dans Merci Science, des élastiques traités au graphène deviennent des capteurs de mouvement. Au Mathieu Plancho, tout de suite. Et voici celui qui est tellement bon animateur, j'en reviens pas, Mathieu Plancho. Bonjour et bienvenue Mathieu Plancho, je m'appelle Mathieu Plancho. Aujourd'hui à l'émission, le segment Geek CNX, le survol du net dans What Web, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science et technologie Merci Science. On vient sûr continuer notre série musicale Super Mario 64 Portrait of a Plumber, qui rend hommage à la musique de Mario 64, hein, évidemment. Dans quelques minutes, on va débuter comme on le fait toujours avec Television, mais avant ça, un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo, et je vous propose de commencer avec un cover dès le début. Oui, vous allez devoir deviner, c'est une chanson de qui, hein? L'artiste du remake cover est Motion Ride, et le titre de la chanson, je sais pas si ça va vous aider, c'est Rude. Pour Mathieu Plancho. C'était Motion Ride avec la pièce Rude, originellement par le groupe de reggae fusion canadien Magic. Elle s'est sortie l'année passée, cette chanson-là, mais ce cover-là vient de sortir. La chanson en tant que telle, je la connais même pas. C'est sûrement un succès commercial. Je m'en fous. Musicalement, je trouve que c'est vraiment super bon côté cover chiptune. J'adore. On entendra une autre pièce de Motion Ride tantôt, mais avant ça, voici Television, Television. C'est Television, Television, la chronique télévisuelle du Mathieu Planchot. Commençons au Québec avec des petites nouvelles par rapport à Radio-Canada. Et parlant de petites nouvelles, il ne restera pas grand nouvelles dans leur bulletin de nouvelles. Radio-Canada présentera à compter de l'automne des bulletins de nouvelles qui proposeront davantage de contenu exclusif et une présence accrue dans l'univers numérique et réseaux sociaux, nous dit la presse canadienne. Malgré les coupures dont elle a été frappée au cours des derniers mois, la télévision publique affirme dans le document présentant sa grille horaire automnale que depuis deux ans, sa part d'auditoire est passée de 12,8 à 15 % sur l'ensemble de la journée et de 18,6 à 20,6% en heure de grande écoute. Donc, ça fonctionne. Il faut évidemment changer les choses de place. Du côté de l'information, les différents bulletins d'information proposeront une facture moins traditionnelle en intégrant notamment différentes chroniques. Le téléjournal de 18h animé par Patrice Roy proposera ainsi la chronique économique de Gérald Fillon et une chronique musicale signée Rebecca McConnell. Hein? Parce qu'évidemment, ce qui va attirer les jeunes, c'est bien une chronique économique pour augmenter leur code d'écoute chez les jeunes. On y retrouvera par ailleurs chaque semaine un portrait d'une entreprise montréalaise. À 22h, le téléjournal entend privilégier quelques événements qui dominent l'actualité du jour pour en saisir le contexte, les tenants et aboutissants. On y proposera aussi davantage de contenus exclusifs, se voulant en lien avec les préoccupations des gens, entre guillemets. S'ajouteront aussi des chroniques sur la santé, l'environnement et l'univers numérique, en plus d'un exposé du pour et du contre sur un enjeu d'importance. Donc j'imagine qu'il va y avoir un petit survol des vidéos YouTube aussi, tant qu'à faire, hein, parce que ça, les jeunes aiment ça. Le vendredi, le téléjournal prendra un format plus magazine, incluant une entrevue culturelle, un reportage par un correspondant sur la vie quotidienne et la société à l'étranger, et un témoignage vécu d'un grand intérêt. La nouvelle saison de Radio-Canada débutera le lundi 8 septembre. Faut pas être contre le changement de cette formule-là. C'est normal que les bulletins de nouvelles doivent rénover un petit peu leur contenu et leur format, étant donné que c'est d'habitude en chute libre. Les grands journaux, les gens connaissent déjà les nouvelles une fois rendues à 22h particulièrement. Donc, je peux comprendre. J'espère juste que ce sera pas trop mainstream. Maintenant, côté rebelle, un petit peu TQS. Nouvelle par rapport à ça. En fait, je dirais pas une bonne nouvelle. Tout près du but, 6 ans après avoir perdu leur emploi, les ex-employés de TQS devront attendre encore avant de recevoir les indemnités de plus de 4 millions de dollars qui leur sont dues, nous dit la presse. L'argent devait être versé au plus tard le 24 juillet à ceux qui ont perdu leur emploi à cause du naufrage de TQS en 2008, mais l'assurance-emploi s'est invitée dans le dossier parce que ceux qui ont reçu des prestations après avoir perdu leur emploi devront les rembourser, comme la loi le prévoit. Ce que j'aime, c'est que la presse utilise le mot « perdu leur job ». Qui doit quoi? Donc, à l'assurance-emploi, et bien, le calcul est en cours et se poursuivra encore plusieurs semaines. Le syndicat canadien de la fonction publique, groupe d'une cinquantaine de personnes, a été le premier à conclure une entente avec le syndic RSM Richter, responsable de la restructuration de TQS, et avec V, qui a repris les activités du diffuseur en difficulté. Donc ça, c'était en septembre 2012. Les autres employés congédiés ailleurs au Québec, quelques 200 travailleurs représentés par la CSN, ont accepté à leur tour une entente en janvier 2014. L'échec tant espéré allait bientôt arriver, mais ils attendent toujours. La moitié des anciens employés de TQS se sont réorientés dans d'autres secteurs d'activité, selon le syndicat. En tout, les ex-employés de TQS s'attendent à recevoir 4,2 millions, soit 1,275 millions pour le groupe de Québec et 3 millions pour les employés de Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Jonquière. Les sommes varient entre 1 000 et 70 000 $ par employé, selon le type d'emploi et l'ancienneté. Ce règlement final est le résultat d'un long combat mené par les ex-employés qui avaient initialement inscrit des créances de quelques 7 millions auprès du syndic. Il est composé de sommes considérées comme des créances ordinaires et d'une entente conclue avec V, le repreneur de TQS. Alors qu'ils arrivent au bout de ce long tunnel, les ex-employés doivent s'attendre à recevoir moins à cause des prestations à l'assurance-emploi qui sont à rembourser. Le syndicat demande aux employés de patienter. L'article au complet, j'ai sauté plein de détails, sont sur ascendagerequis.com. L'article est sur ascendagerequis.com. Conjugue comme vous. Parlons maintenant du CRTC qui se penche sur l'avenir du système de télévision au Canada. Un article de la presse canadienne. Le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qu'on salue, nos amis, a proposé une série de scénarios qui modifieraient considérablement la façon dont les Canadiens reçoivent et paient leurs services de télévision. Les propositions rendues publiques par le CRTC incluent l'obligation pour les câbles distributeurs et les fournisseurs de chaînes satellites d'offrir un service de base composé en majeure partie de chaînes canadiennes locales. L'agence de réglementation suggère un prix de détail plafonné entre 20 et 30 $ pour ce service de base. Les fournisseurs de services pourraient aussi permettre à leurs abonnés de créer leur propre forfait personnalisé ou de choisir parmi des forfaits préassemblés. Les propositions qui font suite à des consultations avec le public et l'industrie se traduiront sans doute par une nouvelle façon de livrer le contenu télévisuel aux consommateurs. Mais au moins un groupe de défense de consommateurs affirme que le CRTC n'en a pas fait suffisamment et qu'il devrait permettre aux Canadiens de tout choisir. Je cite « Dans quel magasin ou n'importe où ailleurs exige-t-on que vous achetiez certaines choses avant de pouvoir acheter ce que vous voulez? » C'est ce que s'interroge le président de l'Association des consommateurs du Canada. Selon lui, les consommateurs devraient pouvoir sélectionner des chaînes individuellement sans devoir payer pour un service de base, aussi simple soit-il. Donc, il dit tout de même comprendre que le CRTC a le mandat de s'assurer qu'une certaine quantité de contenu canadien soit offerte. Tout à fait. Le ministre de l'Industrie... Sinon, il n'y en aurait pas. Pour vrai, j'ai vu comment il fonctionne. Il n'y en aurait juste pas. Le ministre de l'Industrie, James Moore, avait annoncé en octobre dernier qu'il souhaitait que les téléspectateurs canadiens aient davantage de choix. Le gouvernement avait alors dressé un plan visant à transformer la façon dont le contenu télévisuel est distribué au pays. Parmi les autres propositions, les stations locales seraient par ailleurs autorisées à fermer leurs émetteurs, ce qui pourrait déplaire aux consommateurs qui préfèrent obtenir leur chaîne grâce à une antenne. Le CRTC, le CRTC, propose également de permettre aux chaînes et réseaux télévisés d'inclure dans leurs revenus totaux les recettes tirées de leurs émissions offertes en ligne et sur d'autres plateformes pour fin de calcul de leur contenu canadien. Donc, on va faire des petites émissions cheap sur Internet, ça va compter. C'est ça qui est le fun. Personne ne va les regarder, mais c'est pas grave. Le CRTC souligne n'avoir pas encore décidé quelles options il sélectionnera parmi ces scénarios et donne aux Canadiens jusqu'au 19 septembre pour se prononcer en ligne sur ces propositions. Le lien sur assemblagerequis.com. Une consultation publique se tiendra également le 8 septembre à Gatineau. Le CRTC s'attend à ce que les nouvelles règles adoptées entrent en vigueur d'ici décembre 2015. Toujours au sujet du CRTC, un groupe de défense de consommateurs soutient que certaines chaînes locales de télévision pourraient fermer et que plus de 30 000 personnes pourraient perdre leur emploi si le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, adoptait certains changements proposés aux Canadiens. Le CRTC proposerait ainsi la mise en place d'un plafond du prix du service de base et de bannir la diffusion de publicité canadienne par-dessus la diffusion simultanée de la programmation américaine, ce qu'on appelle du SIM-SUB. Les amis de la radiodiffusion canadienne ont toutefois averti que si ces scénarios étaient mis en place, 19 stations de télévision pourraient devoir fermer leurs portes. L'organisme soutient que le résultat serait la disparition de plus de 31 000 emplois et une perte de 2,9 milliards de dollars dans l'économie canadienne d'ici 2020. Le CRTC rappelle que les propositions peuvent encore être modifiées et qu'elles ne constituent qu'une base de discussion en prévision de consultation publique, comme on l'a dit, à mi-septembre. On va à la télévision américaine maintenant, où Keanu Reeves pourrait jouer un tueur à gages à la télé. Selon Deadline, Keanu Reeves a rejoint la longue liste des vedettes hollywoodiennes à se tourner vers la télévision en devenant la tête d'affiche de Rain, une série pour laquelle il sera également producteur exécutif. Adapté de la série de romans John Rain, de l'auteur américain de thriller Barry Eisler, la série dramatique suivra un tueur à gages américano-japonais incarné par Keanu Reeves, dont la spécialité est d'éliminer ses victimes de façon à ce que ça passe pour une mort naturelle. Développé par Slingshot Global Media, dont c'est la première série d'ailleurs, Rain n'est pas encore associé à une chaîne. Ça a l'air vraiment le fun, ça! Pour vrai, un bon concept quand même assez original. Côté remake maintenant, Minority Report, Steven Spielberg travaille sur une adaptation télé de son film de science-fiction de 2002 qui mettait en vedette Tom Cruise. La série télé Rapport minoritaire est en développement avec Max Bornstein qui s'occupe de l'écriture et du scénario pour Amblin Television. Il est connu pour avoir écrit le nouveau Godzilla avec de Gareth Edwards. Il travaille présentement sur l'écriture de la pré-suite, de la pruite de King Kong, qui se nomme Skull Island. Le film Minority Report place le spectateur dans un futur proche cyberpunk, une dystopie dont le cadre est le Washington de 2054, où des êtres humains mutants, les précogs, peuvent prédire les crimes à venir grâce à leur don de préscience, nous dit TVQC.com. Une série télé, Minority Report, se concentrerait sur une équipe d'élite pre-crime se déroulant dans un futur proche. Ça ressemble à une série culte à la tout ce qui est diffusé sur Sci-Fi. Toujours en adaptation, Le Loup de Wall Street à la télévision. L'opérateur de marché dont la vie a inspiré le film Le Loup de Wall Street se fera l'objet d'une nouvelle série télévisée. Jordan Belfort, dont la biographie a servi de base pour le film de Martin Scorsese, fait que je m'enferme sur Martin et non pas Scorsese. S'est associé au réalisateur Brett Ratner pour créer une petite série sur les financiers de New York dans les années 80. L'ancien opérateur de marché a même coécrit la série. C'est l'Australien James Packer qui finance cette série. Et Jordan Belfort est joué par, évidemment, Leonardo DiCaprio dans le film. D'après moi, ça va être quelqu'un d'autre dans la série. Une nouvelle qui me touche, moi, peut-être pas vous, mais je vous en parle parce que, quand même, c'est intéressant, selon moi. Un talk show de début de soirée pour Craig Ferguson. L'animateur Craig Ferguson s'apprête à conclure une entente pour l'animation de talk show de début de soirée qui prendrait l'antenne à l'automne 2015. Celui qui va animer encore pour quelques mois le Late Late Show sur CBS à minuit 35 les soirs de semaine proposera une émission de 30 minutes au lieu d'une heure diffusée juste avant les heures de grande écoute, selon une source au courant du dossier qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat. Craig Ferguson s'est fait connaître des couches-tard, donc grâce à son talk show diffusé à CBS depuis une décennie et il va quitter son poste en décembre. En fait, il y avait toute une histoire. Il dit qu'il aurait quitté quand même, mais c'est qu'on a donné le Late Show, qui est juste avant, à Stephen Colbert. Et donc, les gens pensaient que peut-être qu'il y aurait une promotion et qu'il reculerait d'une heure et qu'on donnerait la case de minuit 35 à quelqu'un d'autre. Il y en a qui disent que ça a rapport, il y en a qui disent qu'il serait parti de toute façon. C'est ce que Craig lui-même dit. Donc, comment savoir. Mais maintenant, il y aurait un petit talk show d'une demi-heure qui serait juste avant les émissions populaires, comme les reprises quotidiennes, le strip qu'on appelle The Big Bang Theory, qui serait à 19h30. Son talk show pourrait être à 19h pour lancer un peu et faire compétition avec des émissions de talk show, de sitcom plate, des trucs comme ça. C'est faire compétition aux autres chaînes avec un talk show original vers les 19h à 20h. D'ailleurs, il va animer un nouveau quiz Celebrity Name Game à partir du mois prochain et c'est vendu sur la plupart des stations aux États-Unis. Donc, cherchez dans votre guide horaire. C'est un gars absolument super drôle qu'on connaît entre autres du Drew Carey Show dans le temps. Maintenant, côté code d'écoute pour la semaine du 4 au 10 août, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire... pas moi, mais quand même, je vous en parle. Commençons par le Québec. Position, allons-y avec le top 15 à 6 en rafale. TV Nouvelle, les galas du Grand Rire 2013 viennent de faire un tour. Film de gars juste pour rire, dimanche à Hollywood, Vengeance, film de filles, LOL et Chicago Fire. En 5e, c'est Cinemax. En 4e, Route Fortune chez vous. En 3e, Sucré Salé. 2e, TV Nouvelle 18h. Et en 1ère, c'est Radio-Canada avec les chefs. Côté Canada-Anglais, 15 à 6, America's Got Talent, Unforgettable, America's Got Talent, The Listener, qui vient de se terminer d'ailleurs, Big Brother, Hotel Hell, The Big Bang Theory, CTV Evening News, Big Brother et Big Brother. Ensuite, en 5e, c'est Rookie Blue, en 4e, Extant, en 3e, Under the Dome, en 2e, MasterChef, et en 1ère, c'est encore et toujours The Amazing Race Canada 2. Voilà. Côté américain... Tiens, on n'en parle pas toujours. Donc, le top américain, on va juste faire le sommet. En 5e place, la NFL sur Fox, match de pré-saison. En 4e, Big Brother du mercredi. En 3e, America's Got Talent du mardi. En 2e, Big Brother du jeudi. En 1ère, Big Brother du dimanche. Le top 5 est assez similaire au top canadien. Sauf les émissions canadiennes, hein, évidemment. Voilà donc pour les codes d'écoute. Je vous invite à aller voir le reste des palmarès sur assemblageriki.com. C'est tout pour Télévision Télévision. On revient tantôt avec Merci Science, la chronique qui mélange science, technologie et médecine. Mais avant ça, une autre chanson de Motion Ride. On l'a écouté en début d'émission avec un cover. Le voici avec une invention tout à fait originale de lui-même. C'est Digital Sea. Au Mathieu Planchot sur C'est Fou. Motion Ride, la pièce Digital Sea, Motion Ride qu'on appelle aussi Pete dans sa vraie vie. C'est un mélange entre du chiptune, instrumental et du rock. Donc, un style qu'il adore. Allez voir sur assemblagerocky.com pour télécharger sa musique. Ça nous amène à parler de science. Voici Merci Science. Attendez, pas le Q, il n'y a pas de Q. Faut que je commence à parler puis que je baisse. Là. Parce que ça va être... On va parler de science. Donc, c'est Merci Science, où on remercie la science d'exister parce qu'elle fait avancer le monde. Trois étudiants de l'école d'ingénieurs Esme Soudria ont réalisé un étonnant prototype capable de piloter un fauteuil roulant à l'aide de signaux cérébraux. Neuromove n'est pas sur le marché, mais démontre la fiabilité du concept. Contrôler la vitesse et la direction d'un fauteuil roulant à moteur électrique à l'aide des ondes cérébrales captées par un casque Mindwave, c'est l'idée qui est venue à Karim Alt Abderrahim, responsable du laboratoire Énergie et Systèmes de l'Esme Soudria, une école d'ingénieurs. Il en a confié le projet, le projet à trois étudiants de la promotion 2014. J'ai commencé la phrase, je vais dire leur nom. Pierre Paglioury, Grégoire Lonlo et Kevin Martins. Donc la réussite est complète puisque le prototype de ce contrôle par la pensée est désormais fonctionnel. Une carte électrique de 10 par 8 cm récupère le signal Bluetooth envoyé par le casque, le casque d'électroencéphalogramme, et commande les moteurs du fauteuil. Là réside l'avancée technique, c'est que le système est simple. Il repose sur le casque Mindwave de la société Neurosky, ou Neuroski, un des plus répandus du genre qui ne comporte cependant qu'une seule électrode. Les signaux recueillis sont donc assez sommaires et ne viennent pas que du cerveau lui-même, mais aussi des muscles du visage. Les ingénieurs en passe de le devenir officiellement en octobre 2014 s'en sont accommodés en extrayant deux formes de signaux. L'un associé à la concentration qui sert à commander la vitesse et l'autre au clignement des yeux, ce qui permet de choisir la direction. Le dispositif est donc utilisable par des personnes avec un fort handicap physique. Les ingénieurs en herbe ont bien l'intention de poursuivre l'aventure. Leur réalisation avait déjà été sélectionnée pour le symposium 2014 de l'école. Elle est aussi lauréate pour les projets innovants de la région Île-de-France-Est. Ce qui leur vaut la promesse d'une aide de 45 000 euros si un partenariat est engagé avec une entreprise. Félicitations. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont créé une alimentée par la transpiration corporelle. Elle repose sur un capteur imprimé sous la forme d'un tatouage temporaire qui peut extraire des électrons de l'acide lactique pour produire un courant électrique. À terme, ce système pourrait permettre d'alimenter de petits appareils électroniques. Faire de l'exercice pour entretenir sa santé est une excellente habitude, nous dit Futura Science. Apparemment que c'est vrai. À l'avenir, cela pourrait même encore être plus bénéfique. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont en effet mis au point un capteur imprimé sous forme de tatouage temporaire qui est capable de produire de l'énergie à partir de l'acide lactique présent dans la transpiration. Ils viennent de présenter leurs travaux lors de la réunion annuelle de l'American Chemical Society. Les sportifs portant un tel tatouage pourraient par exemple alimenter leur capteur biométrique, donc de rythme cardiaque, podomètre, etc., un vêtement intelligent et peut-être même des appareils électroniques comme des téléphones. À l'origine, les chercheurs de l'UCSD avaient élaboré ce capteur d'acide lactique pour aider les sportifs à mieux gérer leur session d'entraînement. Ils mesuraient le courant électrique produit durant les exercices et c'est en détectant les variations de ce courant qu'il était possible de surveiller les niveaux de cet acide et d'adapter l'intensité de l'effort. Les scientifiques ont ensuite fait évoluer cet outil pour créer une biobatterie. Dans le capteur, l'anode contient une enzyme qui va extraire des électrons de l'acide lactique et une anode qui contient une molécule qui accepte ces électrons. Le tout est capable de produire un courant électrique de faible intensité. Pour tester la biobatterie, l'équipe de l'UCSD a fait appel à 15 volontaires auxquels ils ont apposé le tatouage sur le bras. Les candidats ont ensuite réalisé une session d'entraînement sur un vélo stationnaire. Les chercheurs ont alors constaté que les personnes les moins sportives produisaient plus d'énergie que celles qui pratiquaient une activité physique régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Les plus accomplis s'entraînant plus de 3 fois par semaine produisaient le moins d'énergie. L'explication de ce phénomène tient au fait que chez les personnes les moins en forme, moi mettons, la fatigue intervient plus rapidement et avec elle la production d'acide lactique. Le maximum d'énergie qu'ils produisent est de 70 microwatts par centimètre carré de peau. Mais les électrodes de la biobatterie ne mesurent que 2 par 3 mm et ne produisent actuellement que 4 microwatts. Cependant, les chercheurs pensent pouvoir augmenter sa capacité pour atteindre une dizaine de microwatts dans le futur. De simples élastiques en caoutchouc peuvent devenir des capteurs de mouvement susceptibles de servir à de nombreuses applications médicales. C'est ce qu'ont réussi à faire des chercheurs de l'Université de Surrey et du Trinity College de Dublin en imprégnant des élastiques avec du graphène. Une équipe de chercheurs de l'Université de Surrey et du Trinity College de Dublin ont transformé des élastiques en caoutchouc en capteurs de mouvement corporel grâce au graphène. Leurs travaux ont fait l'objet d'un article scientifique publié par ACS Nano. Ainsi traités, les élastiques conservent leurs propriétés mais deviennent conducteurs. Lorsqu'ils sont reliés à une source d'énergie et étirés, ça produit une variation de courant électrique qui les traverse. Je cite, « Ce matériau élastique capte des mouvements tels que la respiration, le pouls et le mouvement d'une articulation. Il pourrait servir à créer des combinaisons capteurs pour des patients fragiles tels que des nouveaux-nés prématurés afin de pouvoir surveiller leurs mouvements à distance et d'alerter le médecin en cas de comportement anormal. » Ce procédé pourrait servir à des applications médicales pour mesurer le rythme cardiaque d'un patient, sa respiration ou ses gestes et avertir le personnel soignant en cas d'anomalie. De tels capteurs seraient bien moins onéreux à fabriquer que les technologies existantes. Ils pourraient notamment servir dans les pays en voie de développement. Au-delà des applications médicales, ce matériau pourrait être intégré avec des systèmes de sécurité automobile pour le déclenchement des sacs gonflables, mais aussi dans des vêtements pour évaluer les performances sportives. Magnifique. Et pour terminer, en médecine, bloquer l'influx nerveux dans un cancer de l'estomac avec des injections de Botox prisées des stars et populaires dans les salons de beauté contre les rides paraît être une thérapie anticancéreuse prometteuse, selon un article publié dans Science. Une étude menée sur des souris et qui vient corroborer les observations sur des malades montre que les nerfs contrôlent les cellules souches cancéreuses, écrivent les auteurs de ces travaux, les professeurs Timothy Wang et Duan Chen, respectivement de la faculté de médecine de l'Université de Columbia à New York et de l'Université norvégienne de sciences et de technologie. Je cite, tellement trop long comme titre, je cite, « Bloquer les signaux nerveux rend les cellules cancéreuses plus vulnérables en supprimant un des facteurs clés qui régule leur croissance. » Cet effet sur le cancer pourrait s'expliquer par le fait que le Botox empêche la production d'acétylcholine, un neurotransmetteur clé qui stimule aussi la division cellulaire. Ces scientifiques ont testé avec des souris chez lesquelles ils avaient induit un cancer de l'estomac, quatre méthodes de suppression de l'influx nerveux qui, chacune d'entre elles, ont bloqué la progression de la tumeur. Ils ont sectionné les nerfs tout autour du cancer chez certains de ces rongeurs, sur un côté seulement de la tumeur chez d'autres, et supprimé dans un quatrième groupe la production d'acétylcholine avec du Botox. Une étude menée sur 37 patients au Japon opérés d'un cancer de l'estomac montre que chez ceux dont l'intervention comprenait davantage le sectionnement des nerfs, avait un taux beaucoup plus faible de récurrence de la tumeur. Voilà. Donc, des expériences initiales sur des souris avec un cancer de l'estomac avaient aussi montré qu'utilisé en combinaison avec d'autres agents anticancéreux, le Botox a allongé leur survie de jusqu'à 35% comparativement à une chimiothérapie seule. Les limites de ces expériences qui ont visé seulement des cancers de l'estomac au stade précoce. Pour l'heure, les résultats encourageants des expériences sur les souris avec le Botox ont convaincu le professeur de commencer un essai clinique de phase 2 en Norvège avec des patients atteints d'un cancer de l'estomac. Le Botox, dont les effets sont très localisés, est moins toxique que la plupart des traitements cancéreux standards, est moins onéreux et a moins d'effets secondaires. Donc, le Botox peut constituer un traitement complémentaire pour les malades dont le cancer de l'estomac est inopérable ou ceux qui ne répondent plus à la chimiothérapie. Ils estiment, donc les médecins, également que la dénervation contre la croissance des cancers devrait probablement avoir une efficacité contre d'autres sortes de cancers comme celui de la prostate qui nécessite par contre plus de recherche. L'habituel toussement de fin de chronique. Voilà pour Merci Science. On fera le segment Geek Scénix tantôt. Mais avant ça, on retourne en musique. On s'en va entendre une pièce de Kooks. Hein, Kooks? Voici Running in the Rain. Tout de suite, vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou. Running in the Rain par Kooks. Restez là au retour, c'est le segment Geek CNX pour Mathieu Plante Show. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, vous êtes toujours Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans ce segment, dans cette demi-heure, on va avoir le blog Geek CNX, bien sûr, avec une nouvelle du domaine de la technologie dans quelques instants. Mais avant ça, pour ceux qui ont aimé, il y a quelques mois, on faisait la série sur Donkey Kong Country 3, Double Trouble. On a passé comme beaucoup trop de temps là-dessus. C'était comme 5 CD, c'était incroyable, c'était super le fun. Mais j'ai trouvé un autre remix d'une chanson de Donkey Kong Country et de la deuxième partie. Pas le troisième, le deuxième jeu de Donkey Kong Country, Diddy's Conquest. On va l'entendre version hip-hop un peu. C'est par CRW qu'on retrouve sur crwbeats.bandcamp.com. C'est son remake de Sticker Brush Symphony qu'on écoute tout de suite au Mathieu Plante Show. Ça, c'est fou. CRW et Sticker Brush Symphony, un cover d'une chanson de la trame sonore de Donkey Kong Country. Dirk, Diddy, Skunk, Diddy Kong, Skunk Quest. Non, c'est Diddy's Conquest, il l'a mal écrit. Il a écrit Diddy Kong's Quest, mais c'est Diddy's Conquest. C'est un jeu de mots avec Conquête et Kong. Parce que... il fait d'autres remakes aussi, entre autres de Final Fantasy, Zelda et un paquet de trucs comme ça. Donc, allez le retrouver sur crwbeats.bandcamp.com. Maintenant, parlons de technologie et de choses s'y rattachant dans le segment Geek Cynix. Et évidemment, entre les à la fin de la chronique de Merci Science et au début de CNX, des nouvelles, des fois, qui sont un petit peu dans un flou entre les deux. Est-ce que c'est de la science ou de la technologie? Commençons avec un accéléromètre miniaturisé pour les vêtements et objets connectés. C'est M-Cube, une entreprise nord-américaine, qui a mis au point un accéléromètre qui mesure à peine un millimètre de côté. Présenté comme précis, peu énergivore et moins cher à fabriquer, ce composant pourrait être aisément intégré à des vêtements ou des objets connectés. L'accéléromètre, qui est un composant électronique désormais très répandu grâce aux téléphones intelligents et aux tablettes tactiles, il détecte l'inclinaison, l'accélération, les vibrations et les chocs pour gérer notamment l'orientation de l'écran, stabiliser l'image du capteur photo ou encore reconnaître les mouvements avec les jeux vidéo. Un accéléromètre est fait de deux éléments, et là je l'apprends en même temps que vous, je l'ai lu à l'avance l'article, mais quand même, une partie mécanique qui détecte les mouvements et une puce électronique qui interprète ce signal. Une entreprise nord-américaine nommée M-Cube est parvenue à fabriquer un accéléromètre à trois axes dont la taille est de moitié inférieure au modèle actuel tout en offrant une précision plus élevée. Ce composant est suffisamment miniaturisé et peu onéreux à produire pour pouvoir être intégré dans toutes sortes d'objets connectés et des vêtements intelligents. Donc ça pourrait être montres, smartphones, équipements sportifs, étiquettes électroniques, etc. Par exemple, un joueur de golf portant un t-shirt et un pantalon doté de ce capteur pourrait taper sa balle et analyser son swing dans la foulée. M-Com a développé un design de puce MEMS, M-E-M-S, donc système micro-électromécanique, et ASIC, qui est Application Specific Integrated Circuit, ou encore un circuit intégré spécialisé, qui réunit la partie mécanique et électronique d'un accéléromètre. Cette conception dite monolithique offre de nombreux avantages. La taille, tout d'abord, puisqu'un accéléromètre M-Cube ne mesure, comme on l'a dit, qu'un millimètre de côté, soit la moitié d'un accéléromètre classique. L'entreprise affirme également que sa puce est plus précise et qu'elle peut même remplacer le gyroscope d'un téléphone intelligent. Un détail intéressant, car ce type de capteur n'est intégré que dans les terminaux haut de gamme. Ainsi, une puce M-Cube pourrait être équipée des smartphones d'entrée de gamme et leur offrir des fonctionnalités plus élaborées. Autre point important, le composant peut être produit à grande échelle et à bas coût en utilisant le procédé de fabrication CMOS, qui est le Complementary Metal Oxide Semiconductor. Voilà. Charger son téléphone, parlant de téléphone, avec le son de sa voix pourrait bientôt être possible. Et si vous pouviez recharger votre téléphone tout en lui criant après, nous dit le Huffington Post avec ses images des plus poétiques. C'est du moins l'idée sur laquelle travaillent des scientifiques de l'Université Queen Mary de Londres et la compagnie Nokia. L'équipe a élaboré le prototype d'un chargeur de téléphone capable de reconstituer la batterie d'un mobile en utilisant la voix humaine, de la musique ou même du bruit de fond. Pour récolter l'énergie du son, l'équipe a utilisé un type de nanotechnologie appelé nanorods qui est capable de produire de l'énergie électrique et de réagir aux vibrations sonores. Les ingénieurs ont attaché des senseurs électriques des deux côtés de la tige afin de transformer les vibrations sonores en énergie. Jusqu'à présent, les chercheurs ont généré 5 volts d'électricité avec leur prototype, ce qui est suffisant pour charger un téléphone. Toutefois, les chercheurs admettent que ce type de chargeur n'est pas assez puissant pour remplacer complètement les chargeurs ordinaires. Je sais pas si, genre, tu peux juste mettre ton téléphone devant la TV à plein volume, des choses comme ça. Des panneaux solaires flottants pour alimenter le Nord. Via Radio-Canada, des panneaux solaires flottants pourraient alimenter en électricité des communautés éloignées du Nord de l'Ontario et même des mines en régions éloignées. Une équipe de chercheurs du centre Miracco de l'Université Laurentienne a mis au point un modèle de panneaux solaires flexibles qui peuvent flotter dans les bassins de décantation. Décantation ici. Ces panneaux fournissent suffisamment d'électricité pour alimenter 2 maisons de 3 chambres à coucher. Une première mondiale, nous disent-ils. Les panneaux solaires ont toujours été rigides alors que ceux-ci sont flexibles et peuvent flotter sans risque de collision et requièrent peu d'entretien. Des essais sont d'abord effectués sur la Méditerranée, au large de l'île de Malte. Donc, ils vont être effectués là-bas l'an prochain. L'équipe envisage ensuite de tester des panneaux à la surface de l'eau de bassins de résidus miniers. L'installation est perçue dans le domaine comme une alternative économique au diesel. L'équipe de Miracco veut par la suite développer un prototype qui pourrait produire une plus grande quantité d'électricité pour alimenter une mine. Vous avez peut-être entendu parler de ce célèbre robot autostoppeur. Eh bien, il vient de terminer sa traversée du Canada récemment. Hitchbot, on n'a pas parlé encore de ce sujet-là. J'attendais que ça avance un petit peu parce que c'était pas très, très intéressant au départ. Mais Hitchbot, un robot autostoppeur parti de la côte atlantique du Canada, a parcouru un peu plus de 6000 km pour arriver à Victoria, en Colombie-Britannique. Placé au bord de la route le 27 juillet à Halifax, ville, ce drôle d'autostoppeur fait de briques et de brocs, donc c'est des vieilles affaires, a traversé tout le Canada d'est en ouest sans difficulté, tant les automobilistes étaient curieux de pouvoir l'embarquer pour quelques kilomètres ou même parfois sur une étape de plus de près de 1000 km. C'est une initiative de chercheurs de l'Université Ryerson de Toronto que le robot a été lancé sur les routes canadiennes. C'était leur initiative. À la question de savoir si les humains peuvent faire confiance aux robots dans leur vie quotidienne. Le robot, toujours équipé de ses bottes jaunes en caoutchouc parsemées de petites étoiles noires, les bras et les jambes en nouilles de piscine en mousse. Les noodles. Les chercheurs vont ensuite analyser les données collectées tout au long du périple pour livrer les dessous d'une relation avec la technologie et les robots, comme les notions de sécurité et de confiance. Joli. C'est cute. Ça, c'est la nouvelle qui, moi, m'a fait rire le plus la semaine passée. C'est une fonction satire pour Facebook. Alors, je dirais que dans mon entourage proche sur Facebook, c'est-à-dire ce que Facebook pense que je veux voir, c'est pour ça que j'y vois pas vraiment, je suis le seul à poster de la satire tout le temps. Des parodies, des articles faux, des choses complètement bullshitées. Et j'aime ça. Je trouve, moi, ça me fait rire, de la satire, tu sais. Et les gens qui lisent le contenu que je poste, des fois, ne comprennent pas vraiment que c'est de la satire, tu sais. Donc, Facebook essaie de contourner ce problème-là avec une étiquette satire. Donc, le réseau social en ligne Facebook teste des manières d'indiquer à ses utilisateurs quand des articles publiés sur son site ne sont pas de vraies informations, mais des parodies. Et je cite, c'est parce que nous avons des retours de gens qui veulent une manière plus claire de distinguer les articles satiriques des autres. Parce qu'évidemment, leur cerveau n'est pas assez. C'est ce qu'a indiqué le groupe américain à l'agence France Presse. Facebook teste donc l'utilisation aux États-Unis d'une étiquette satire devant les liens renvoyant à des sites comme Gorafi en France, The Onion aux États-Unis. Donc, des endroits, des publications qui ont fait leur spécialité d'articles sur de fausses informations absurdes et souvent, il n'y a aucune façon de voir ça autrement que de la satire parce que c'en est ridicule. Mais il y a des articles, j'avoue, qui peuvent porter à confusion. D'ailleurs, le site literallyunbelievable.com est un blog qui liste une série de commentaires apparemment très sérieux publiés sur Facebook en réaction à des articles satiriques. Donc, les gens postent une fausse nouvelle, les gens réagissent « Ah, mais là, voyons donc comment ça que ça... » Puis là, ben, ça part un débat. On poste ça sur Literally Unbelievable. En jeu vidéo maintenant, Sony est inquiet des bonnes ventes de la PlayStation 4. Les 10 millions de PS4 vendus posent pas mal de questions pour Sony qui ne trouve pas toutes les réponses. La PlayStation 4 est un succès commercial indéniable du haut de ses 10 millions d'unités vendues en 9 mois. Si une partie de ce succès peut être expliquée par, bon, peut-être la force de la marque de Sony, par le prix, hein, 400$ versus 500$ pour la Xbox One, mais aussi par la réaction négative autour des premiers détails de la console Xbox One. Le constructeur japonais, Sony, n'a pas toutes les explications. Shusei Yoshida confie, je cite, « Cela va au-delà de notre imagination. Nous sommes tellement heureux, mais je suis quand même un peu nerveux, parce que nous ne comprenons pas tout à fait ce qui est en train d'arriver. Hein? » Donc, en interne, personne ne peut expliquer exactement pourquoi la console se vend si bien. Je cite encore avec un accent bizarre. « Dès que nous voyons de bons chiffres de vente, nous devons nous projeter pour les ventes du futur, n'est-ce pas? Sommes-nous proches d'épuiser les core gamers? Si nous vendons toutes ces unités, il n'y aura plus de consommateurs avisés. » Avisés. C'est une pensée terrifiante. Donc, ils vendent trop. Tu sais, s'ils vendent trop, c'est que là, tout le monde va en avoir une. Fait que là, comment est-ce qu'on va améliorer notre chiffre de vente l'année d'après? C'est la mentalité des grosses corporations. Ah, mais là, parce qu'il faut y aller une étape à la fois, sinon on ne pourra pas montrer à nos actionnaires qu'on a augmenté nos ventes. Ah, hein? Oh boy, ça doit être épuisant de travailler chez eux. Sony souhaite donc étudier ses joueurs, qui ils sont et ce qu'ils font avec leur PS4 dans le but d'éclaircir son avenir et trouver une nouvelle ligne de marketing viable. Par exemple, Sony s'est rendu compte qu'une bonne proportion de ses clients PS4 n'avaient pas acheté de PS3, ni même de Xbox 360 ou de Wii. Sony aurait ouvert donc un nouveau marché sans que personne n'ait pour le moment pu exactement l'identifier. Et ben... dans le plus absurde un petit peu, des poissons s'affrontent à Super Street Fighter 2 Turbo. Après les jeux de Pokémon contrôlés par des poissons, et bien maintenant c'est un jeu de combat. Donc se tient actuellement sur Twitch.tv l'un des plus grands matchs de Super Street Fighter 2 Turbo jamais vu, puisqu'opposant deux poissons répondant au nom de Aquarius et Robert the Bruce. Comme nous l'explique Fishplay SF, l'heureux propriétaire de ces deux graines de champion, il a tout simplement divisé l'aquarium des poissons en 9 parties, chacune étant associée à une touche différente du clavier. Le premier poisson envoyant des signaux pour le joueur 1 et le second pour le joueur 2. J'imagine qu'il est différencié par la couleur. Donc, allez voir, ça joue en direct en ce moment sur mon écran parce qu'apparemment que les vidéos se autoplay sur jeuxvideo.com, c'est pour l'empêcher. C'est bien drôle. On voit le poisson qui vient d'entrer sur la flèche d'en haut. Donc, j'imagine que ça doit être difficile de faire des passes, hein? T'sais, parce qu'il y avait des combinaisons de boutons, puis des tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Le poisson ne fera pas ça. C'est un bouton à la fois. C'est avance, avance, avance, frappe. Avance, avance, avance, frappe. Ça va être long, je pense. Bref, c'est cool. J'ai envie de sauter par-dessus cet article-là, vous en parlez en bref seulement. Il va y avoir des points Québec sur Internet. Vous avez sûrement entendu parler de ça depuis le mois d'avril. On avait parlé un petit peu à l'émission. Mais le Québec va avoir des points Québec, oui, pour se différencier du Canada. Donc, ça va être... En bref, je peux vous dire que les réservations pour les demandes d'achat de domaine .Québec vont être acceptées à partir du 2 septembre, mardi prochain, selon le groupe qui est responsable de tout ça. Et on s'attend à ce que le suffixe soit disponible à partir du 13 novembre. Voilà. Autre détail, sur son site .Québec, on soutient que le nom de domaine va aider les entreprises touristiques et les multinationales à se rapprocher des Québécois. Ça dit qu'il y a plein d'argent qui vient du gouvernement derrière le projet .Québec. On a mentionné que la province a effectué un prêt afin d'aider à défrayer les frais d'application de 185 000 $. Et on dit que ça va remplacer probablement les .gouv.qc.ca. Ça va être des .Québec à la place. À l'international, Tom Hanks lance une application pour nostalgiques des machines à écrire. L'acteur américain Tom Hanks a lancé une application gratuite qui reproduit sur tablette pour les auteurs nostalgiques du ruban l'aspect et le son d'une machine à écrire. Au fur et à mesure que l'utilisateur tape une lettre sur son clavier virtuel, un claquement se fait entendre tandis qu'un chariot se déplace à l'écran, comme sur une vieille machine à écrire. J'ai pas préparé l'extrait sonore, c'est ma faute, mais imaginez-vous une dactylo, puis ça fait tac-tac-tac-tac-tac-chouing, tac-tac-tac-tac-tac-chouing. Je pense qu'on est capable de se l'imaginer. Pour développer l'application Hanks Writer, Hanks comme dans Tom Hanks, mais écrit H-A-N-X, Writer, donc l'acteur aux deux Oscars s'est associé à la compagnie HitSense. HitSense qui a utilisé trois machines à écrire antiques appartenant à Tom Hanks comme source d'inspiration. La compagnie a également créé trois polices de caractères imitant la forme des lettres générées par les anciennes machines à écrire. Les développeurs ont même poussé le réalisme jusqu'à prévoir la possibilité de désactiver les corrections pour une expérience encore plus authentique. Mais pas de liquid paper, s'il vous plaît, sur votre iPad. Pas sûr que c'est une bonne idée. Dans l'anodin encore un petit peu, le Samsung Galaxy S5 nomine l'iPhone 5S au fameux Ice Bucket Challenge. Saisir au vol le phénomène Internet épuisé, le Ice Bucket Challenge, pour s'offrir à peu de frais une campagne de pub. C'est trop dommage de manquer l'occasion chez Samsung, bien sûr, donc ils l'ont fait. La marque coréenne a mis en scène son téléphone intelligent phare, le Galaxy S5, en lui renversant un seau d'eau glacée dessus. Grâce à son assistant vocal, il nomine ensuite ses plus gros concurrents, c'est-à-dire l'iPhone 5S et le HTC M8, ainsi que le Nokia Lumia 930. Ce que la légende ne dit pas, mais que Samsung veut évidemment souligner, ce sont les caractéristiques d'étanchéité du Galaxy S5 et pas des autres. Donc, bien sûr, les autres ne peuvent pas faire le Ice Bucket Challenge, à moins de complètement gâcher l'article en tant que tel. Des salles de cinéma qui affichent des textos pendant un film par-dessus le film. Hein, ça a l'air tellement le fun en Chine. On retrouve dans plusieurs salles de cinéma un nouveau phénomène qui ne fera qu'aggraver votre souffrance en cinéma, déjà que c'est tellement déplaisant. C'est le bullet screen. Essentiellement, on permet aux spectateurs de réagir en direct au film par le biais d'un texto transmis à l'aide d'un téléphone mobile durant la projection. C'est donc un peu l'équivalent des tweets qu'on monte en bas de l'écran à la télé depuis quelques années. De moins en moins, je trouve. Plusieurs cinémas de Pékin et Shanghai ont mis en place la nouvelle offre, notamment pour les films destinés à un jeune public. Les Chinois perçoivent le phénomène comme une conséquence logique de la démocratisation des réseaux sociaux. C'est pas parce que ça... C'est pas parce que ça suit la tendance que c'est cool, t'sais. Les cinéphiles sont trop exubérants. Ceux qui seront trop exubérants, pardon, exprimeront peut-être une certaine retenue, sachant que chaque commentaire transmis leur coûtera environ 2 cents. Voilà. De plus, l'offre n'est pas en vigueur si le cinéaste n'a pas donné son accord. Heureusement, les salles qui expérimentent le bullet screen modèrent les messages avant de les diffuser sur grand écran, ce qui défait un petit peu l'instantanéité de la chose, mais en même temps, ils font ça partout. Il n'y a personne qui va laisser passer des fuck motherfuckers à l'écran sans cesse. Là, ça arrivera juste jamais, ça. C'est ça. On comprend que c'est pas vraiment mon genre d'idée. Hein? Voilà pour les nouvelles dans le bloc CNX. Regardons un petit peu les jeux les plus loués en club vidéo. Pour commencer, en position 10 à 6, Grand Theft Auto 5 sur PS3, Watch Dogs sur Xbox, Grand Theft Auto 5 sur Xbox, Mario Kart 8 sur la Wii U, Skate 3 sur Xbox, et en 5e place ensuite, Sacred 3 sur Xbox, en 4e, Sacred 3 sur PS3, en 3e, Minecraft sur Xbox, en 2e, Minecraft sur PS3, et en 1ère place, c'est The Last of Us Remastered, même chose que depuis plusieurs semaines quand même. On parle bien sûr de ce jeu sur la PS4. Et comme on a parlé de nouvelles et qu'on a parlé de jeux les plus loués, d'habitude, ce qu'on fait juste après ça, c'est ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans. Yeah. Voici les nouveautés pour la semaine du 24 au 30 août 2014. Commençons par aujourd'hui, lundi le 25 août. Sur PC sort Super Time Force Ultra. C'est coté 8 selon GameSpot. Donc, on parle d'extraterrestres là-dedans. Eh bien. Mardi, sur la Vita, Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Ça nous dit, le résumé, c'est marqué un nouveau jeu nommé Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Et c'est Rebirth avec un point-virgule au milieu. Oui, point-virgule, Birth 1, sans espace. Wow. N'importe quoi. Metro Redux sort sur PS4, Xbox One et PC. C'est coté 8 selon GameSpot. C'est l'ultime collection double jeu, dont la version définitive de Metro 2033 et Metro Last Night, chacun reconstruit au complet. Madden NFL 15 sort sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 et Xbox 360. 60, évidemment. C'est un jeu de football. Metro Last Light Redux sort sur PC et Xbox One. C'est la suite en première personne shooter de Metro 2033. Donc, on le ressort en collection et aussi indépendamment. C'est coté 9 superbe, selon GameSpot. C'est rare. Même chose pour Metro 2033 Redux. C'est la même chose. Ensuite, Infamous First Light. C'est une exclusivité à PlayStation 4, le troisième jeu de la série Infamous par Sucker Punch, c'est coté 8 selon GameSpot. The Walking Dead Pinball sort sur PlayStation 4, ok. Et Appointment with Fear sort sur PC. Mercredi, Lethal League sort sur PC, c'est un jeu de combat projectile compétitif où le but est de lancer une balle dans le visage de vos opposants. Étrange. Bird Assassin sort sur PC, pas vraiment de détails là-dessus. Toast Time, qui m'a l'air de jeu indépendant sur PC. Et Fate the Traitor's Soul, aussi sur PC. Ouais, c'est ça. Les résumés sont vraiment mauvais sur GameSpot. Jeudi, on retrouve Tappingo 2 sur la 3DS, un puzzle. Thorium Wars, Attack of the Skyfighter, sort sur 3DS. Steam World Dig sort sur Wii U, c'est coté 7 selon GameSpot. Tonyulo Noliagayo Dongmu Lui Soup sort au Japon. D'où le fait de ne pas le dire. Pinball FX 2, c'est une suite à un jeu de Xbox Live Arcade. Pinball FX est coté 8,5 selon GameSpot. Draconian Wars sort sur PC. Et finalement, vendredi, Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. C'est la fusion entre la série de Professor Layton et la série de Phoenix Wright Ace Attorney. Donc, ils jouent ensemble dans le même jeu. On collabore pour résoudre des puzzles. C'est coté 8 selon GameSpot. C'est un jeu très, très, très attendu. Azure Striker Gun Vault sort sur 3DS, pardon. C'est quoi ça? God Factory Wingman, un jeu dans l'espace, un jeu de combat dans l'espace, sort sur PC. Très, très tactique, tout ça. Et il nous en reste deux. Sur 3DS, sort Mighty Gun Vault et sur PC, sort To End Our Wars. Ce sont les nouveautés en magasin et ailleurs pour la semaine du 24 au 30 août 2014. Voilà pour bientôt sur vos écrans et voilà pour, par le fait même, accessoirement, de façon tout à fait hétéroclite, la fin de la... Je cherche ma fenêtre. Come on, c'est celle-là, d'accord. C'est la fin de la première heure du Mathieu Planchot. On se retrouve pour une deuxième tantôt avec, entre autres, la chronique C'est un fait Tech Edition, la série musicale Super Mario 64 A Portrait of a Plumber, ainsi que le tour du net dans Wow What Web. C'est la deuxième heure du Mathieu Planchot dans environ 3 minutes. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. La deuxième heure du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va apprendre des choses dans C'est un fait Tech Edition. Un petit bloc spécial sur les développeurs, ceux qui fabriquent les jeux dans C'est un fait Tech Edition dans quelques instants. Mais pour l'instant, une chanson chiptune, évidemment créée à partir de consoles de jeux vidéo, en tout cas au moins inspirée par les jeux vidéo. On s'en va entendre Roaches Remain. Voici Fatal Terror tout de suite. MPS. Mathieu Plante Show. C'est fou. Roaches Remain et Fatal Terror. Allez télécharger toutes les pièces que je fais jouer sur assemblagerequis.com. Maintenant, on apprend des choses tous ensemble. Hein? D'où la chanson, ça le dit dans les paroles, la chanson thème. Voici, c'est un fait, Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, Tech Edition, où on commence, comme toujours, par ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Commençons le 19 août en 1839, à une rencontre avec une grande foule à l'Académie de Paris des sciences, l'Académie des sciences de Paris, la Paris Academy of Sciences. Louis Daguerre a fait une démonstration du processus pour faire des photos. Ça s'appelait les daguerréotypes. C'est en 1839. En 2003, Dave Winer a posté une expérience avec ce qu'on appelle les RSS Enclosures, donc les flux RSS. Vous connaissez peut-être, les nouvelles d'Internet sont envoyées par flux RSS vers des lecteurs de nouvelles pour qu'on puisse tout ramener ça ensemble. Bon, donc il a fait des tests avec ça pour un MP3. Ça permettait à ceux qui s'inscrivaient avec le bon agrégateur, donc le bon logiciel, de recevoir un MP3 d'une entrevue que Chris Lydon avait fait. Tout ça sans avoir à attendre. Ça t'était déjà téléchargé dans ton ordinateur quand tu t'inscrivais au fil RSS, au flux RSS. Donc, ça fait que Christopher Lydon est devenu le premier podcaster ou balado-diffuseur avant qu'on appelle ça des balado-diffusions. Intéressant. Le 20 août en 1920, la première station de radio commerciale 8MK a commencé à opérer dans le Michigan. Maintenant, on l'appelle WWJ et c'est une propriété de CBS. En 1930, toujours en radio, W2XCR a commencé à diffuser dans le 2,1 à 2,2 MHz de Jersey City dans New Jersey. C'était la première... En fait, excuse-moi, j'ai dit qu'on restait en radio, on passe à la télé plus. Donc, c'était la première démonstration d'une télédiffusion faite pour la maison, donc pour le grand public. C'est une émission d'une demi-heure animée par un cartooniste, donc quelqu'un qui fait des bandes dessinées, Harry Hirschfeld. C'était donc montré sur des écrans dans un magasin de l'hôtel Ansonia dans la bâtisse Hearst, voilà, et dans une maison au 98 Riverside Drive. En fait, je pense que c'est trois endroits, dans un magasin de l'hôtel Ansonia, ensuite aussi dans la bâtisse Hearst et dans une maison, voilà. On saute au 22 août, en 1932, la BBC commence ses diffusions de télévision publique. Évidemment, c'est un peu... peut-être pas l'équivalent de Radio-Canada, mais en tout cas, quelque chose de classe et tout. En 2007... Le Storm Botnet envoie un virus. C'est un record, 57 millions de courriels infectés d'un virus, mais ils n'ont pas réussi à faire tomber Internet. Le 23 août en 2012, Microsoft révèle un premier logo pour la première fois en 25 ans, optant pour des carrés de couleurs très très simples et une police un peu brique avec le F et le T attachés, en tout cas qui passent l'un par-dessus l'autre. Et en 2013, le CEO, le Chief Executive Officer de Microsoft, Steve Ballmer, annonce qu'il prendrait sa retraite d'ici les 12 premiers, prochains mois. C'est fait, maintenant il est rendu propriétaire de l'équipe de basket. C'est quoi, c'est les Lakers, je pense? Et le 24 août 1995, Microsoft sort Windows 95. Pendant son développement, on l'appelait Windows 4.0 ou encore le nom de code interne Chicago. Et finalement, en 2001, WebKit reçoit son premier commit de code, donc de la part d'Apple. C'est le furteur Safari qui en a été inspiré plus tard. Deux ans plus tard, c'est arrivé. Et WebKit a été mis en source libre, donc modifiable par la communauté, en 2005. Voilà pour ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Maintenant, des faits sur les jeux vidéo. Et on a un petit bloc thématique sur ceux qui font les jeux vidéo. Donc, c'est un bloc sur les consoles et les développeurs. Voilà. Commençons chez Nintendo, bien sûr, avec la Nintendo DS. Une marque de commerce de Nintendo en 2004 suggère que la Nintendo DS devait s'appeler à l'origine City Boy. Donc, pour continuer la lignée des Game Boy, la marque Game Boy, en mettant l'accent sur le fait que l'appareil serait utilisé dans votre vie de tous les jours, donc dans la ville, la grande ville, ça s'appelait le City Boy. Le DS, d'ailleurs, dans Nintendo DS, qui veut dire soit Developer System, donc c'est son nom de code pour les développeurs à la base, ou encore Dual Screen, ça c'était plus pour le grand public, donc deux écrans si on veut. Dual Screen System, bref. D'ailleurs, la Nintendo DS qui est basée sur un prototype nommé Iris. Iris qui était supposé être le successeur de la Game Boy Advance. Le nom Iris vient d'une plante japonaise, l'Iris Ansata. D'ailleurs, le nom de code, non, pas vrai du tout, le nom de l'émulateur DS officiel par Intelligent System qui est fourni avec les kits de développement de la DS s'appelle aussi Ansata. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est vraiment de là que ça vient. Restons chez Nintendo, c'est une nouvelle assez évidente, mais Nintendo, à cause du flop du film Super Mario Brothers des années 90, oui, ne fera pas d'autres films de jeux vidéo. Tu sais, on se dit, bon, il y a Legend of Zelda, il y a Metroid, il y a plein d'autres jeux de premier parti, donc vraiment fait par Nintendo, qui pourrait peut-être être transformé en film, mais Nintendo n'est pas intéressé. Donc, on se rappelle tous, en tout cas, j'espère, sinon, ben, Colin, je vous l'apprends, que le film Super Mario Brothers est sorti en 1993, basé de façon très, lousse sur la série de jeux vidéo des frères Mario, donc ils devaient se battre contre les méchants Koopa. Le film a été rejeté par la critique, rejeté par le public aussi. Les critiques disaient que c'était trop de flash, dans le fond, trop de décors et de niaiseries et pas assez de substance dans le scénario. Donc on a dit que c'était un novelty, donc juste pour faire de l'argent facile sur un nom reconnaissable. Nintendo, évidemment, n'était pas très heureux de ces commentaires-là. Et à cause du désastre, Nintendo a choisi de ne pas donner la licence à aucune autre compagnie à Hollywood, même s'ils le demandaient. Il y a eu un pitch pour un film sur Legend of Zelda en graphisme par ordinateur qui a été pitché, donc donné pour approbation ou pour essayer de le faire en 2007. Les héros étaient dans un environnement à la Disney et c'était très très fantastique. Mais ça a évidemment pas été accepté et les chances veulent qu'on ne verra jamais d'autres films de Nintendo. Mais en même temps, on disait qu'il n'y aurait jamais d'application iPad, iPhone, iOS de Nintendo. Et là, il y a un jeu de Pokémon de cartes qui s'en vient sur iPad. J'ai lu ça quelque part. En tout cas. Donc, tu sais, il faut jamais dire jamais. Voilà. Maintenant, allons chez Konami. Konami, et on va rester chez Nintendo par la bande. Konami a formé la compagnie Ultra Games aux États-Unis et Palcom en Europe pour réussir à contourner les règles de Nintendo. Il y avait une règle de licence chez Nintendo, c'est une politique qui disait que chaque tierce partie ou tiers partie ne pouvait sortir que 5 titres de jeux vidéo par année pour la NES, la console de Nintendo. Donc avec un bras de publication ou d'édition de plus, Konami pouvait en sortir 10 par année. Donc ils avaient Ultra Games aux États-Unis et Palcom en Europe, comme je disais tantôt. Donc ils ont gardé la marque de commerce pour Ultra Games, qui allait plus tard empêcher Nintendo d'utiliser ce nom-là, parce qu'ils voulaient utiliser le nom Ultra 64 au lieu de Nintendo 64, et c'est à cause de Konami ils n'ont pas pu utiliser le nom. Et il y avait pourtant fait le logo, il y avait ça dans les magazines partout, Ultra 64, la prochaine affaire, et finalement ça a été nommé Nintendo 64. On va chez Microsoft maintenant dans Excel 95. C'est pas, c'est un jeu vidéo par la bande. Il y a bien des affaires qui sont par la bande. Hein? Donc, dans Excel 95, pour ceux qui ne savent pas, c'est un vieux film. Hein? Ça a fait le tour d'Internet pas mal de fois. Je vais recommencer pour la troisième fois mon fait. Dans Excel 95 sur Windows 95, si tu fais une série de choses dans l'ordre et correctement, tu vas arriver à un 9 de Pâques, donc à quelque chose de caché par rapport à un jeu vidéo. Donc, sélectionne la rangée 95 dans Excel 95 sur Windows 95. Tu appuies sur la touche Tab. Tu cliques sur le point d'interrogation qui apparaît dans la barre d'outils. Dans la fenêtre qui pop-up, tu cliques sur le bouton Soutien technique en appuyant sur les touches Ctrl et Shift du clavier. Tu vas arriver dans un jeu qui ressemble étrangement à Doom. Ça s'appelle Hall of Tortured Souls, qui montre l'équipe, dans le fond, qui a créé Excel 95. C'est le fun. Allez voir la petite vidéo sur assemblagerequipe.com. Même pas besoin de le faire, il y a une vidéo pour vous le montrer. On est-tu fin, hein? En fait, c'est plus les gens chez VGFacts.com. Un des prototypes que Rare, la compagnie Rare, ceux qui ont fabriqué, entre autres, c'est quoi? C'est GoldenEye, au Nintendo 64, il me semble, Banjo-Kazooie, Donkey Kong Country, bref. Un des prototypes, des jeux prototypes que Rare avait créé pour tester la programmation de la nouvelle Kinect à l'époque sur la Xbox. Demandait aux joueurs de contrôler un oiseau. Tu sais, les oiseaux qui font tout le temps des défécations partout. Des mouettes, voilà, des mouettes. Donc, tu contrôlais une mouette et tu devais essayer de faire tes besoins sur les passants en dessous de toi. Ils n'ont pas mis de photos ni de vidéos. Là, ça aurait été vraiment pertinent. Je sais pas si c'est public, je sais même pas si c'est disponible en quelque part. Vous connaissez peut-être la compagnie de jeux vidéo Double Fine. Hein? Donc, le nom Double Fine vient d'une pancarte sur le Golden Gate Bridge, le pont célèbre Golden Gate à San Francisco, qui jusqu'à récemment disait « ralentissez jusqu'à 45 000 à l'heure, sinon vous allez avoir une double contravention, donc un double frais ». Ça disait donc « Double Fine Zone », c'est une zone où on allait te charger le double du prix normal. Double Fine, c'est les développeurs de jeux vidéo, là. Est-ce qu'on peut juste me montrer les titres? S'il vous plaît. Brutal Legend, entre autres. Il y en a plein. Broken Age. Sont les autres. J'en connais aucun. Colin, c'est quoi ça? Psychonauts, entre autres. Ça, c'est cool. Psychonauts. Maintenant, chez LucasArts, lorsque le designer de jeu Tim Schafer a appliqué pour un emploi chez LucasArts, qui s'appelait à l'époque Lucasfilm Games, le CV de Schafer s'est démarqué des autres, parce qu'à la place de lister ses précédents emplois, son expérience, il a fait une bande dessinée à la main, qui racontait comment il avait été choisi pour son emploi, tu sais, genre. Donc, c'était comme une genre d'aventure textuelle. Tu sais, comme les vieux jeux, il fallait choisir des actions. C'était vraiment très, très... pas du tout visuel, bref. Il pensait avoir manqué son coup lors de l'entrevue parce qu'il avait dit au téléphone que son jeu préféré de Lucasfilm Games, était Ball Blaster. Mais Ball Blaster, c'était le nom d'origine donné au jeu Ball Blazer pendant le développement. Il avait été piraté en ligne. Donc, le Ball Blaster, c'était la version piratée en ligne. Donc, il pensait vraiment qu'il avait manqué son coup en disant qu'il avait piraté un des jeux de LucasArts. Eh bien, donc, allez voir le petit dessin et le texte complet sur assemblagerequis.com. Chez Sega, maintenant, en 2001, le président de Sega, Isao Okawa, a donné ses 695 millions d'argent de sa propre compagnie. En cote de bourse, là, il y avait des valeurs boursières de 695 millions de dollars. Il a donné tout ça pour sauver Sega, pour les empêcher de faire faillite à cause de l'échec de la Dreamcast. Il est décédé peu de temps après son cœur, problème de cœur. Il avait 74 ans. Il avait donné ses 695 millions d'argent de cote en bourse. C'est triste. Chez Taito maintenant, Taito qui prévoyait faire qui prévoyait sortir sa propre console qui s'appelait la WoW, W-O-W-O-W, mais tous les W en majuscule et les O en minuscule, bref. Ça a été montré au Tokyo Game Show en 1992. Ça aurait été une console basée sur les CD et non les cassettes, les cartouches, à 16 bits, qui aurait été capable de faire des choses similaires aux machines d'arcade de Taito. On dit qu'il aurait aussi reçu des jeux par satellite, ce système-là. Après quelques apparitions, mystérieusement, on a arrêté d'en parler et ils n'ont jamais sorti ça au public, la console Wow Wow de Taito. Et finalement, la Saturn ne peut pas rendre de polygones triangulaires. La console Saturn de Sega, bien sûr. Donc, les jeux de Sega Saturn étaient faits en utilisant des polygones à quatre côtés. Et certains des polygones avaient l'air triangulaires, mais en fait, c'était des carrés avec la longueur d'un de ses côtés mise à zéro. Donc, c'était vraiment un carré avec un côté de chopé, finalement. Donc, les jeux multiplateformes comme Tomb Raider avaient des textures distorsionnées dans la version Saturn parce que c'était mappé à de faux triangles. Il y avait des côtés qui apparaissaient pas. Donc, le rendu avait l'air vraiment bizarre parce qu'on avait simplement copié, collé, en tout cas, adapté le code des autres consoles qui, elles, avaient vraiment la possibilité de faire des triangles. Moi, je trouve ça fascinant. Je sais pas pour vous. C'est vraiment cool. Allez voir sur assemblagerequis.com pour tous les détails, toutes les sources de C'est un fait tech et des chons. Avant de passer à notre dernier bloc de la journée, c'est-à-dire le survol du net dans WoW at Web, on est dû pour la petite Siri sur Super Mario 64. Oui, je l'adore donc, je la trouve fantastique. Donc, Portrait of a Plumber, c'est le 48e album gratuit, arrangé par la communauté de Overclocked Remix. Ils ont fait des tonnes de différents albums. Celui-là reprend la musique légendaire du titre de lancement de la Nintendo 64, Super Mario 64. Donc, Portrait of a Plumber, qui a 21 pièces arrangées par 16 artistes qui réimaginent les compositions originales de M. Koji Kondo dans une variété de styles. Et on va commencer avec Halsey. Voici son hommage à Powerful Mario. C'est Wings to the Sky. Au match du planche. We'll be right back. C'était Devastation's Duel, Koopa's Theme, Koopa's Road, Ultimate Koopa par Soul Signal et Fishy. Avant entendu Wings to the Sky, Powerful Mario par Hal C. C'était les deux dernières pièces du premier CD. Ce qu'on entend en ce moment, c'est le début du deuxième CD, mais je veux qu'on garde ça pour le début de la session d'automne. Jusqu'à maintenant, on a fait le CD 1 de cette compilation Portrait of a Plumber pendant le mois d'août. Donc, le mois d'août complet, 11 pièces, ça va quand même bien. Donc, j'imagine que pendant le mois de septembre, on peut se taper les 10 pièces du CD 2. Hein, si tout va bien. Donc, comme je le disais, vous pouvez télécharger la compilation Super Mario 64 Portrait of a Plumber sur assemblagerequis.com. L'adresse exacte est plumber.ocremix.org. Mais bon, c'est moins important qu'assemblagerequis.com. Hein. On revient dans quelques instants avec la dernière demi-heure. Entre autres, le survol du net dans What Web et plus de musique chiptune. Restez là, c'est le Mathieu Plante Show. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Nous revoilà déjà au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. C'est la dernière demi-heure de 4 du Mathieu Plante Show. Et la dernière de la saison était 2014. Je vous en reparlerai à la fin de l'émission, là. Mais en gros, je sais pas encore dans quel cas on va être cet automne. Cif.ca pour vous tenir au courant dans notre cœur d'horreur. Et bien sûr, assemblagerequis.com, il va toujours y avoir les informations nécessaires là-dessus. Mais pour l'instant, profitons du moment présent avec What Web dans quelques instants. Mais avant ça, un petit bloc de musique chiptune. Et je vous ai préparé un bloc de deux chansons. D'après moi, deux chansons qui ne fitent pas ensemble partout. Hein? Donc, commençons par Spark Mandrill Stage. Tout de suite, sur C'est fou. Qu'est-ce qui est... Après ça, ça va être une chanson de Zelda super genre folk. Pas mal. Un cover métal d'une pièce de Mega Man 10, Spark Mandrill Stage. C'est par Ultimate D-Pad. Vraiment très, très bon. Un jeu de la Super Nintendo, ce Mega Man 10, Mega Man X, dépendant des gens. Comme les gens disent OS 10, alors que c'est... Non, les gens disent OS X, mais c'est OS 10. Mega Man 10, est-ce que c'est vraiment Mega Man X? On sait pas. La raison que je l'avais mis avec l'autre, je l'ai dit que je faisais un bloc de deux pièces. C'est en effet ce que je vais faire. Vous connaissez peut-être sur ocremix.org, qui est le même site que la compilation qu'on a écouté tantôt. Il y a une artiste qui s'appelle Jillian Versa. Elle a refait une chanson de Legend of Zelda Ocarina of Time sur la Nintendo 64, mais un hommage vocal folk style, peut-être pas folk. Je sais pas vraiment. Écoutez là, pas folk. Il y a un mot pour ça. On s'en repart. C'est Forest Temple pour Mathieu Planchot. Le mot que je cherchais était médiéval, tonton. Mais ça s'applique sûrement pas de toute façon. Donc, c'était Jillian Versa et la pièce Forest... attention. Forest Temple, entre parenthèses, Generations, du jeu Legend of Zelda Ocarina of Time. Hommage vocal à la musique de Legend of Zelda, c'est très très cool. Allez télécharger l'album sur Bandcamp, iTunes, allez sur YouTube, sur un paquet d'autres trucs. Le lien sur assemblagerequis.com. Magnifique, comme les jeunes femmes dans ce clip. Le clip vidéo est vraiment très très bien fait en passant. Maintenant, tiens, avant de continuer avec d'autres choses, d'autres patentes et terminer l'émission un jour, c'est le moment de faire le petit tour du net dans Wow What Web. C'est Wow What Web, on fait un petit survol de ce qui s'est passé sur Internet depuis la dernière semaine, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Commençons avec quelques services, des choses qui vont être utiles pour vous, hein? Des utiles trucs, comme on appelle. Le premier, c'est TuneFind, qui vous aide à trouver les chansons qui sont dans des épisodes de séries télé et dans des films. Donc, vous regardez la télé, vous regardez un film, peu importe, et là, vos oreilles reçoivent un son paradisiaque que vous n'avez jamais entendu avant. Le site TuneFind, vous allez les trouver sur tunefind.com. Une assez grande bibliothèque de films et d'émissions de télé. On peut chercher par émission, par film, par artiste. On peut aussi regarder ce qui est populaire en ce moment dans la communauté. On peut retourner quand même loin en arrière, mais pas trop loin. La seule série des années 90, genre qu'on a trouvé sur lifehacker.com, c'était Freaks and Geeks de 99. Donc, ça va pas super loin. Il y a aussi Worn on TV qui est disponible pour les vêtements qu'on voit à la télé. TII.me calcule le temps que ça va vous prendre à regarder des émissions en rafale à la télé. Donc, vous avez entendu parler d'une bonne émission, peu importe, là, Big Bang Theory, n'importe quoi. Vous allez entrer le nom de la série, ça va calculer pour vous combien de temps ça va prendre. Essayons-le. Je l'ai essayé chez moi l'autre jour et je dois avouer que ça doit être mon imbécilité. Mais mettons que je tape Breaking Bad. Okay? Donc, il trouve évidemment Breaking Bad. Et là, tu dois entrer un chiffre. Ça ne dit pas pourquoi tu dois entrer un chiffre. Si j'appuie sur le point d'interrogation, ça dit que ça va calculer ton temps passé à regarder une émission de télé. Le nombre de saisons fois le nombre d'épisodes par saison fois la durée d'un épisode égale le total pour une émission de télé. Et là, on répète pour plus d'émissions de télé pour avoir le temps total. Mais je comprends pas le 5 que tu dois entrer fait quoi. Je vais laisser à 5 cliquer sur la flèche. Ça me dit 2 jours, 14 heures et 0 minutes. Est-ce que c'est le nombre d'épisodes que je vais regarder par jour? Est-ce que c'est le nombre de saisons que l'émission comprend? Est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais pas. Bref, c'est TII.me. Si vous le comprenez, écrivez-moi sur assemblagerequis.com. Je me considère vraiment stupide, mais je trouve que ça manque d'explication. Like Manager, maintenant, compile et organise vos likes sur Facebook. Quand même une bonne idée. Donc, si vous êtes le genre de personne qui regarde sur Facebook souvent et on clique sur like aussitôt qu'on est intéressé par quelque chose, sans trop y penser, des fois, ça peut revenir jouer contre vous. Donc, ça s'appelle Like Manager. Ça va se lier à votre compte Facebook. Ça va scanner et tout catégoriser ça, ce que vous avez aimé et partagé. Une fois que tout est capturé, vous pouvez regarder tout ça dans sur une page bien organisée. Évidemment, vous pourriez le faire par la page Activity Log de votre page Facebook, mais Like Manager rend ça un petit peu plus simple. Un compte gratuit vous permet d'avoir une collection de 30 mises à jour par semaine. Et si vous en voulez plus, ça va être un compte premium pour environ 1,36$ par mois. Mais je crois que pour la plupart des gens, la version gratuite va être correcte. Donc, c'est likemanager.com. Sur YouTube, des fois, quand on rencontre une chanson, ça va pas toujours être identifié quelle est la chanson. Donc, le service Audentify le fait pour vous. C'est un genre de Shazam pour les vidéos YouTube, sans avoir à sortir son téléphone de sa poche. Donc, on lâche une URL, une adresse YouTube dans Audentify. On attend quelques secondes ou quelques minutes si c'est une longue vidéo. L'application va vous donner le nom de la chanson et l'artiste. Et un peu comme Shazam, c'est pas toujours exact, mais au moins un petit début de la chose. C'est sûr que sur YouTube, souvent, il va y avoir un commentaire en dessous. C'était quoi la chanson à 2 minutes 36, etc. Donc, ben, pour vous simplifier la vie, audentify.com. Vous rappelez dans le temps, quand on prenait un appareil photo pour prendre une photo, il fallait attendre au moins une heure, une fois rendu en magasin, pour se faire développer la photo. De nos jours, on veut la gratification instantanée, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, la livraison même jour avec Amazon, je sais pas, les médicaments de votre pharmacie viennent rapidement à votre porte. Eh bien, on veut refaire le même principe pour les photographies. Comme si on utilisait du film. Donc, c'est One Hour Photo, c'est une application qui vous permet de voir la photo que vous avez prise seulement une heure après l'avoir prise. Il y a une émulation de noir et blanc qui est appliquée à la photo pour agrémenter encore plus ça, pour que ça ait l'air encore plus vieillot. Ce que l'application veut faire, sa mission, c'est que les moments que vous capturez en photo restent des moments spéciaux. À la place de prendre 1000 photos, comme tu sais, tout le monde va voir un spectacle, ils prennent 1000 photos du spectacle, ils n'ont pas vu le spectacle. On veut que les gens puissent vivre le moment présent. Donc c'est One Hour Photo. C'est sur iTunes et c'est évidemment gratuit. J'espère bien que je ne chargerai pas pour ça, pour me faire attendre. Ensuite, ça, c'est quand même intéressant. C'est une carte, c'est une photo, c'est un JPEG, c'est une image, c'est un montage photo. C'est tout en même temps. Qui vous montre quel pays est directement de l'autre côté de l'océan par rapport à vous. Donc, si vous êtes sur une plage en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ou peu importe, vous allez savoir que vous allez pouvoir nager jusqu'au Chili. C'est bien ça? Oui, on pourrait nager du Chili au Chili, en fait, parce que on peut faire le tour de la planète et revenir au Chili. Bref, par exemple, si, mettons, je suis... est-ce que je vois Canada en quelque part? Où est le Canada? Ah, il y a tellement de pays là-dedans. Bonne chance pour trouver ça. Mais bon, donc si on part de l'Australie, on va pouvoir finir au Namibia, en Afrique du Sud. Si on parle de la Nouvelle-Zélande, on pourrait se rendre en Australie, en Nouvelle-Zélande, d'un côté et de l'autre. Sinon, de l'Argentine au Chili, des exemples comme ça, c'est quand même le fun à savoir. Ensuite, si vous êtes en train de faire un projet de design et vous voulez trouver une police qui va bien avec une autre police, le site type.io, typ.io vous permet de faire ça. Donc, on va prendre les polices de sites web populaires, des sites web aimés par les gens pour leur look. Et on va vous dire quelles polices ont été utilisées pour aller ensemble. Évidemment, la plupart des polices sont super chères. Ceux qui travaillent dans le design, vous êtes habitué de vous faire dire par tout le monde, c'est tellement facile faire un nouveau logo, tu vas sur $1logo.com, puis si tu fais faire un logo comme un certain bar de Trois-Rivières qu'on n'aimera pas, ouais, mais ça fait que tout le monde a le même logo, puis deuxièmement, ça encourage pas la créativité, puis troisièmement, ça encourage pas le travail local, puis quatrièmement, je pourrais continuer longtemps, t'sais. L'idée de faire un logo, c'est d'avoir quelque chose d'original, et non pas de le prendre sur $1logo.com. Ça m'a fait bien rire, tout ça. Mais bon, bref, peu importe. Type.io. Donc, vous allez pouvoir prendre une police populaire. Par exemple, en ce moment, la plus à la mode, c'est Proxima Nova, avec 283 utilisations répertoriées sur le site. Ensuite, il y a aussi Helvetica Noi et Brandon Grotesque. Noi. Il y a une drôle de prononciation pour ça. Et ça va matcher avec d'autres polices. Donc, allez voir type.io, typ.io. Vous pouvez y aller par police populaire, par police recommandée, par bibliothèque de police. Vous pouvez même contribuer vous-même au site. Vous avez peut-être été voir ou au moins vu la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie, Guardians of the Galaxy, cet été, un film très populaire, un blockbuster. Il y a un personnage connu dedans qui s'appelle Groot, et sa seule réplique dans le film, c'est « I am Groot ». Et c'est en effet notre ami Vin Diesel qui a enregistré chacune des langues. Il y a une vidéo sur YouTube de lui en train de... premièrement, il est sur des échasses, pour prendre de la grandeur et être capable de jouer le rôle comme il devrait être joué. Et on le voit dire en anglais « I am Groot » et ou en français « Je suis Groot ». C'est belle fun à voir. C'est sur YouTube. C'est absolument pas de ça que je vous parle en ce moment. Je vous parle d'un site qui vous permet de rajouter Groot à chaque site web que vous visitez. Ça ajoute un bouton à votre barre de signet quand vous avez installé ça. Vous avez juste à aller visiter un site web et cliquer sur le bouton pour mettre Groot partout sur Internet. Partout. Il apparaît à la place des photos. C'est cool. Ça, j'aime ça, gifyoutube.com. C'est super simple, vous copiez-collez une adresse YouTube et en fait, vous pouvez même juste prendre la page YouTube sur laquelle vous êtes et ajouter GIF avant le mot YouTube et ça va le faire tout seul. Donc, à la place d'être youtube.com/watch, ça va être gifyoutube.com/watch. Et sinon, vous pouvez aller juste sur gifyoutube.com et entrer l'URL et ça va vous faire un GIF animé à partir du segment de la vidéo que vous voulez. C'est cool, hein? C'est très, très cool. GIFYouTube.com. Et ce que j'aime, c'est quand... Je sais pas si c'est en italien, mais copy-paste, copier-coller, c'est copy-pasta. Je trouve que ça fait un beau nom de restaurant de pâtes. Copy-pasta. Je trouve que c'est très drôle. Ensuite, les dates de sortie de jeux vidéo, des fois, c'est difficile à suivre. Vous écoutez peut-être la chronique Le segment Geek CNX ou à la fin, on fait bientôt sur vos écrans. Et là, je vous dis ce qui sort pendant la semaine. C'est cool. Vous pouvez faire votre petit planning avec votre budget et tout ça. Mais vous pourriez aller sur Playdate. Le lien est plus long que ça, mais c'est sur assemblagerequipe.com. C'est un calendrier en ligne, c'est un calendrier Google qui surveille les dates de sortie des jeux vidéo les plus populaires. Et ça a l'air d'un spreadsheet. Ça a l'air d'un calendrier normal, donc peut-être même qu'au travail, ça paraîtra pas que vous faites ça devant votre patron. Donc, c'est la base de données faite par les fans de Giant Bomb, où on liste vraiment les dates de sortie pour créer un calendrier. Donc, on peut voir en ce moment, chaque mardi du mois de novembre, des millions de dollars vont être dépensés sur les jeux vidéo. Il y a une nouvelle extension Chrome qui vous permet de regarder Netflix dans une petite fenêtre. J'ai toujours trouvé ça bizarre qu'on puisse pas redimensionner, à part redimensionner le furteur Internet au grand complet. Mais c'est pas très, très pratique si on veut faire d'autres choses dans le même furteur. Donc, pour pouvoir regarder une émission en même temps qu'on fait quelque chose d'autre. Moi, j'aime bien avoir la télé derrière moi quand je travaille. Donc, ça vient du Hack Day de chez Netflix. Et ils ont créé cette extension-là. Ça s'appelle Netflix Mini. C'est une extension pour Google Chrome qui permet d'accéder à votre service dans une petite fenêtre. C'est fait par Adam Butterworth, Paul Anastasopoulos et Art Burrow. Voilà. C'est très cool. Ça, j'aurais besoin du support auditif pour ça, si ça vous dérange pas de l'écouter. Hein. Comment dire ça? Attends, je vais te trouver. Voilà, ça s'appelle Serendipity. Et c'est par Kyle McDonald via Spotify. Ça va être vraiment mauvais, je vous avertis à l'avance. C'est vraiment très... C'est de la musique commerciale, c'est clair. Mais en gros, ce que ça nous explique, c'est qu'à chaque seconde, quelques personnes appuient sur play sur la même piste en même temps. Donc, la pièce, on nous montre dans deux pays différents où elles ont été jouées. La phrase n'arrête pas de disparaître. Il faut que j'actualise la page aux deux secondes. Attends un peu. Bon. Donc, les pièces ont été enregistrées pendant une heure lors d'une journée en particulier. Donc, c'est sur Spotify.com où on nous montre, par exemple, bon, ici... Sweater Weather a été joué. Recess de Skrillex a été joué à deux endroits en même temps. Ça va super, super vite. La coupure de chanson qu'on entend, c'est vraiment comme ça que c'est sur le site. Pretty Fly for a White Guy qui a été joué à Istanbul, entre autres. Donc, c'est cool. C'est sur Spotify.com. Le lien est sur assemblagerequis.com. J'en ai assez de vos chansons populaires. Merci. C'est bien gentil. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus calme. C'est Elements, E-L-M-N-T-S, qui joue des bruits ambiants, des sons ambiants. C'est une application, une extension Chrome. Si tu veux, mettons, quand tu veux augmenter ta créativité, mettons que tu es en train de faire un logo que tu n'utilises pas, $1logo.com. Okay. Tu peux utiliser ce site-là avec des sons qui sont disponibles par défaut. Il y a 6 sons par défaut, la pluie, le feu, les fontaines d'eau, forêt, oiseaux, océan et le buzz d'un coffee shop, d'un petit café. Tu peux appuyer sur plusieurs en même temps, choisir le volume et y aller. Et donc, c'est une application Google qui vit dans votre furteur Internet. Comme ça, tu n'as pas à prendre un autre onglet dans Google Chrome et que tu es obligé de le laisser ouvert. D'habitude, les services, quand c'est un site web, il faut que tu laisses l'onglet ouvert. Là, c'est une application dans Chrome, donc ça prend pas de place visuellement. Très, très cool. Il y a un créateur de chiptune disponible en version homebrew. Donc, c'est fait par la communauté qu'on va pouvoir télécharger et c'est développé pour le Game Boy Color. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le chiptune qu'on fait jouer au Mathieu Plante Show, vous allez pouvoir le faire vous-même si vous avez votre propre Game Boy Color. Allez voir les informations sur assemblagerequis.com pour savoir comment vous le procurer. Une séquence d'ouverture réimaginée pour Doctor Who, c'est super visuel, c'est vraiment absolument aucunement radiophonique de faire ça, mais j'aimais la petite musique qu'ils ont choisie pour cette vidéo-là. Donc on a repris Doctor Who, vous savez, l'émission de science-fiction qui date depuis des décennies, qui est en onde à la télé, qui est très populaire, qui joue à, je crois, Z en français. Donc il y a quelqu'un qui a refait la séquence d'ouverture, c'est Stephen Byrne. Il a réimaginé si c'était les aventures animées de Doctor Who, une émission pour enfants. C'est vraiment très très cool, écoutez ça. Ah, j'avais mis le son à off sur YouTube, je vais le repartir. C'est pas gentil ça, j'avais mis le son. On voit tous les docteurs dans des genres de polygones. Et le plus récent docteur court. Son assistante court avec un robot, c'est quoi, Dalek? La maison, la cabine téléphonique qui tourne dans les airs. On voit le gars Peter Capaldi, c'est le plus récent. Jenna Coleman, son assistante. Évidemment, le générique est très, très enfantin. Tout le monde se court après de façon loufoque. On est dans une cave avec une lumière. Il y a des dinosaures parce qu'ils voyagent dans le temps. Il y a des photos qui sont développées qui apparaissent sur une console. La cabine téléphonique qui tourne encore. Il y a quelque chose qui est généré dans une machine, de la lumière. Et le fou, Doctor Who, les aventures animées de Doctor Who. Je trouve ça parfait. C'est super bon. Facebook.com/ Artwork of Stephen Byrne. Stephen Byrne, B-Y-R-N-E. Bravo pour ton travail. On peut jouer en tant que Waluigi dans Ocarina of Time. C'est qui le héros? Ben oui, Waluigi, toi. Est-ce qu'il mérite d'être héros? Je sais pas. C'est probablement mon personnage de Mario le moins... celui que j'aime le moins. Donc, c'est grâce aux gentils gens de chez Dorkly. Ils ont trouvé... ils ont fabriqué un ROM, donc un fichier qui représente le jeu. Et on peut jouer avec ce ROM-là dans le rôle du méchant frère de Luigi. Cousin de... On sait plus, tu sais, Mario, Luigi, Wario et Waluigi, quel est leur lien? T'sais, on sait que Mario et Luigi, c'est des frères. Wario, est-ce que c'est le frère de Mario? Est-ce que c'est son cousin éloigné? Est-ce que c'est juste son contraire? Est-ce que c'est Waluigi, après ça, c'est le frère de Wario ou c'est le contraire de Luigi? On sait plus. On ne sait plus. Mais bref, l'utilisateur de YouTube, Ross Mars 2, clame le crédit de cette création-là qu'il appelle The Legend of Zelda Waluigi of Time. Mm-hmm. Donc c'est ça. D'ailleurs, la meilleure chose, nous dit-on, c'est que non seulement est-ce que Link, le personnage principal, est remplacé par Waluigi, mais la version enfant de Link est remplacée par un petit modèle de Waluigi, juste rétréci proportionnellement. Très drôle. Il y a des gifs animés de Rayon X qui ont été postés sur Internet par Cameron Drake. Donc, une collection de gifs animés mettant en vedette une main, un coude, une épaule, un genou et une cheville, mais tout ça en mouvement. Je peux regarder ça toute la journée, c'est super bon. Encore une fois, le lien sur assemblagerequis.com. Il y a une école primaire qui rend hommage à la musique de Mario RPG. Et ça aussi, j'ai ça en quelque part sur cet ordinateur-ci. Voilà, oui. Adorable école élémentaire et le nom du lien sur assemblagerequis.com. On va l'écouter, c'est cet hommage à Mario RPG. C'est l'école Jameson Elementary School Orchestra. Il nous joue la chanson Beware of the Forest Mushroom, qui vient de la trame sonore de Super Mario RPG. On n'a pas tellement entendu le remix de Super Mario RPG. C'est une série plus centrée vers les joueurs, les amateurs de jeux de rôle. Il y a deux versions. Je vais cliquer sur la première sur le bord. Ah. C'est ça qui est plate avec Super Mario RPG. Je pourrais les laisser jouer aussi, mais j'aime pas les jeux de rôle, mais j'aime beaucoup la trame sonore du jeu. C'était lors de leur 2013 Senior Spring Concert. Ça fait drôle de les voir jouer sur un court terrain champ de basketball. Super travail encore une fois. Je vous ai trouvé aussi une autre tant qu'à écouter des affaires. Game of Thrones. Je veux vraiment pas me gâcher les spoilers parce que c'est une des séries que je vais regarder bientôt. Mais il y a un peu comme il y a quelques semaines, c'était quoi Kill Bill? Je pense qu'on avait remplacé les effets sonores par des effets de jeux vidéo. On a fait la même chose avec Game of Thrones. C'est rempli, rempli de spoilers, mais je veux juste regarder. Je regarderai pas trop. Quelqu'un va mourir. Ça, c'est les voix dans les jeux vidéo. Les voix, t'as des blubblubblubblubblubblubblubblub. Quelqu'un qui crie en sang, une flèche qui est tirée sur un cheval qui tombe. Oh, on lui a haché le cœur. Oh, victoire de quelqu'un. Ah non, je veux pas voir ça. Ah non. Ah. Uppercut. Uppercut. Finish him, tant qu'à ça. Yes, very good. Off you go. Ah, il ramasse de l'argent par terre. Oh, c'est fantastique. Oh, il y a une vie parce qu'il est arrivé à c'est fantastique. Bravo. Aujourd'hui, je sais pas, mais la créativité est à son maximum requis par la loi. Ou en tout cas, requis pour que j'en parle, je trouve. Ensuite, une pressure gauge, un truc de pression, hein, voilà, a été modifié pour entrer dans le 21e siècle. C'est un superviseur aux opérations de réseau Ed Conowall qui a passé beaucoup de temps à regarder les graphiques et d'autres données sur ses moniteurs. Pour changer un petit peu d'environnement, il a connecté son travail à quelque chose de tangible. Donc une gauge de pression, j'imagine de pneus peut-être, en tout cas. Donc il a écrit un script dans Python, dans Python, le langage de programmation. Il a chargé ça dans un ordinateur, dans une puce Raspberry Pi. Et il rassemble les données de son routeur à chaque 10 secondes. Et le programme utilise les données pour calculer la bande passante moyenne et ensuite envoie ça à un Arduino Micro. Le micro processe les données, envoie ça à un servo qui est ensuite connecté à l'aiguille de la gauge, que le terme anglophone ici. Et on peut même donner $25 américains sur sa page Kickstarter, dépendant des outils que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour fabriquer tout ça. Vous pouvez aussi lui demander d'en construire un pour vous, ça va vous coûter $2500, juste ça. Mais si vous êtes pour fournir votre propre gauge, elle peut faire une modification de votre gauge pour $500. Pour vraiment avoir sur votre mur une vraie aiguille qui vous montre la bande passante de votre Internet, c'est cool quand même. Sur TheVerge.com, on nous suggère de visiter les premières générations de vos sites web préférés. Et c'est très, très bien fait, en fait, parce que c'est des images affichées une par-dessus l'autre. Et on peut draguer, ben pas draguer, mais scroller avec sa souris pour voir l'avant et après. Donc, Reddit.com, le 25 juillet 2005 jusqu'à aujourd'hui, qui est vraiment la même chose parce qu'ils n'ont aucune capacité de design, les gens de chez Reddit.com, mais je pense que c'est pas l'important de la chose. Donc, c'est grâce à la Wayback Machine. On connaît tous le Wayback Machine de Internet Archive. Où on peut entrer une adresse de site web et voir de quoi elle avait l'air il y a quelques années. Donc, on a fait l'expérience pour Yahoo.com en 96, où c'était presque juste des liens. Il y a Nintendo.com, où c'était très, très, très noir comme site. Maintenant, c'est très enfantin et plus coloré. Donc, en 97, Apple.com, un des sites les plus laids au monde, avec une barre rouge à gauche et du texte en Times New Roman. Maintenant, c'est rendu un des sites les plus visuels que je connaisse. Metafilter.com en 99 est essentiellement la même chose qu'aujourd'hui. Encore une fois, le design n'est pas très important pour eux et c'est bien tant mieux. Parce que l'important, c'est les réponses de la communauté. McDonald's.com en 96, avec juste une image qui demandait de choisir la portion adulte ou enfant. Et maintenant, c'est évidemment que des burgers et des boissons gazeuses. Il y a NBA.com, Whitehouse.gov, eBay.com, NewYorkTimes.com, Google.com, Wired.com, AOL.com et un paquet d'autres sur assemblagerequis.com. Qui lui aussi a un passé, mais pas aussi lointain. Il y a un hack de Netflix qui permet d'afficher... Ben, en fait, c'est pas un hack de Netflix. Ben, en fait, oui, c'est des ingénieurs chez Netflix qui ont trouvé une façon de connecter leur logiciel aux nouvelles, tu sais, les ampoules contrôlables à distance qu'on retrouve dans les magasins d'électronique en ce moment. Donc, la fonctionnalité est ajoutée aux Philips Hue Smart Light Bulbs, développée dans le hack D de Netflix dont j'ai parlé tantôt. Les ingénieurs de la compagnie pouvaient montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, comme on le voit dans la démo, les lumières répondent en temps réel aux changements de couleur à l'écran. Donc, certains manufacturiers de télé pourraient peut-être adapter ça ou adopter ça un jour pour que lorsque les couleurs changent à l'écran, ça pourrait changer aussi les lumières de la pièce. C'est vraiment très cool. Rapidement, on va faire le tour, tant qu'à être là puis tant qu'à avoir le temps, des selfies de statues. Les gens prennent des photos de statues populaires dans des musées, entre autres, et prennent les photos pour donner l'impression que la photo était prise par la statue elle-même. Donc, ça a l'air d'être un selfie de statue. Et j'imagine que tu peux le poster comme statut sur Facebook pour faire un statut de selfie de statut. Genre, je sais pas. Alors, c'est un groupe sur Reddit qui fait ça, c'est bien à la mode en ce moment. Il y a aussi des exemples sur Instagram. Il y a pas mal d'autres affaires comme ça. Entre autres, au Art Institute of Chicago. Et un tweet avec la Statue de la Liberté. Les deux viennent de décembre 2013. Je vous invite à aller les voir sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout. J'en ai assez, moi, de ce segment WoW at Web. On a fait le tour de ce qui était pertinent à trouver sur Internet. Ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Regardez-moi ça, comment ça passe vite, ces petites deux heures-là. Hein? Ben oui. Donc, on se retrouve, on se retrouve dans une case horaire à déterminer, un jour et une heure à déterminer. Plus tard, visitez assemblagerequis.com pour savoir ça va être quand. On sait pas encore. Je vous retrouve au Palmarès Sifou et Assemblage Requis une dernière fois pour cet été, jeudi entre 14h et 18h. Programmation sur sifou.ca, note d'émission balado-diffusion sur assemblagerequis.com, la page Facebook, facebook.com/Mathieu Plante Show pour savoir ce qui se passe à l'avance. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Et vous avez été planté. Bye bye.